dira. Élie Kadogasio, la mise en onde, merci pour votre fidélité, amis auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, la meilleure des stations. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce 3 mars 2022. D'abord les grands titres. La récente mesure de délimitation des zones de travail pour les taxis, vélos, tuk-tuk et moto ne change pas, mais ces véhicules peuvent dépasser les limites de la mairie sans autorisation de déviation alors exigée. Vous l'entendrez, et selon l'organisation Parsem, cette mesure va empirer la situation économique des Burundais déjà minés par la pauvreté. Et au cours de la semaine dédiée à la femme, aujourd'hui, on va vous parler de Greta Carly Ineza, une slameuse environnementaliste. À Makamba, c'est le Comité national de dialogue social qui invite les parties en conflit en milieu de travail à privilégier le dialogue avant de saisir les instances judiciaires. Voilà pour l'essentiel. Bonjour, je vous le disais en titre, les conducteurs de vélos, motos et tuk-tuk au nord de la mairie de Bujumbura peuvent dépasser les limites de la mairie sans l'autorisation de déviation de l'itinéraire qui était jadis exigé. Cette mesure a été annoncée ce mercredi lors d'une rencontre organisée par les autorités administratives et policières en commune Mbendo-Ntahangwa pour expliciter la récente mesure de délimitation de la zone de travail en mairie de Bujumbura. Ces transporteurs ont soulevé leurs inquiétudes sur cette mesure. Le point avec Moïse Misako. Cyo nababwira cyo iyi ngingo ntisubira inyuma ni ingingo yizwe ko neza kandi itanguye urugendo. Le commandant de la police spéciale de roulage et de la sécurité routière Eugène Bizindavie rappelle que la mesure de délimitation du champ des transporteurs des vélos, des motos et des tuk-tuk est irréversible. Ces transporteurs trouvent que cette mesure vient fragiliser leurs activités. Ils estiment que cette dernière ne va pas faciliter leur travail. Ces transporteurs plaident pour une extension de cette délimitation jusqu'au marché d'Issillon ou celui du Côté-Bou. De son côté, le commandant de la police spéciale de roulage et de la sécurité routière trouve plutôt que le champ de travail de ces transporteurs vient d'être élargi. Le commandant Eugène Bizindavie rassure que les panneaux de signalisation délimitant leur champ de travail vont être installés avant l'entrée en vigueur de cette mesure. Il promet de soumettre ses inquiétudes à l'hiérarchie. Pour que demain on ne soit pas en retard, sous prétexte d'attendre ma réponse, je vais transmettre vos inquiétudes. Même si vous dites que la mesure est venue à la hâte, elle a été pensée pendant 4 mois. J'espère qu'elle va être changée en moins de 10 jours. Le commandant Eugène Bizindavie permet les transporteurs opérant au nord de la capitale économique Bujumbura de dépasser les limites de celle-ci sans l'autorisation de déviation de l'itinéraire. Au-delà du champ de travail que l'administrateur vient de vous montrer, moi je vous permets d'aller jusqu'au-delà de la capitale. Avant, on vous exigeait l'autorisation de déviation de l'itinéraire. Pour le moment, vous pouvez aller à Muzinda, à Bubanza et à Chibitoke. Le secteur n'est pas réduit. Dans la commune Mukaza et Muha, des rencontres pareilles ont été organisées. Les transporteurs qui ont participé à ces rencontres ont soulevé aussi des inquiétudes sur cette mesure. Mercredi de la semaine passée, le ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions a délimité le champ de travail des transporteurs des vélos, des motos et des tuk-tuk. La mesure doit entrer en vigueur le 11 du mois en cours. Moïse Misago, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et des mentalités, trouve qu'une décision pareille ne vient que pour rendre la vie de la population plus intenable dans un pays comme le Burundi. Le directeur national de la Parsem, Faustin Ndikumana, a conseillé plutôt aux autorités de réguler rigoureusement la circulation routière tout en sanctionnant les contrevenants pour ainsi réduire ces cas d'accidents routiers ayant principalement motivé cette mesure. Est-ce qu'on sera obligé de prendre du taxi tout le monde? Le coût du taxi actuellement est extrêmement élevé. C'est environ 5 dollars à la course, allez, tout. Combien de familles burundaises qui gagnent 5 dollars par jour? Très peu. Et au niveau du procédé de décision, et la Constitution, à son article 64, est assez clair. Le domaine lié à la liberté des personnes, la circulation des biens, la sécurité, c'est du domaine de la loi. Si le ministre doit prendre une telle mesure, là, d'accord, mais c'est une ordonnance d'application dans certains aspects une loi promulguée au plus haut niveau par le président de la République, car elle a même étudié à l'Assemblée nationale, au cas de chez au Sénat. Donc, je dois dire que, et même cette étude dont il est question, des statistiques de quoi, il faut la publier, il faut la communiquer à l'Assemblée nationale, il faut jouer à la transparence. Notre proposition pour limiter le nombre d'accidents, si vous voyez dans les statistiques que ça augmente, d'abord il faut jouer sur la vitesse de circulation, l'excès de vitesse, l'état des routes, il faut améliorer l'état des routes, enlever les nids de poules, vraiment construire de bonnes routes, de belles routes. J'imagine que même la démolition des constructions anarchiques a permis à ce que les routes soient dégagées. Maintenant, la circulation plutôt peut être beaucoup plus facilitée. La rigueur dans l'octroi des permis, discipline dans le contrôle technique, il faut aussi qu'il y ait des fois des fiches signalétiques formatisées pour suivre la discipline des conducteurs. C'est pour cela que j'ai même demandé en conclusion que le président nous aurait de suspendre cette mesure pour y voir clair, pour écouter les uns et les autres, afin de prendre une mesure équilibrée, en tenant compte de toutes ces préoccupations qu'on vient de signaler. Le poste Andy Koumana, il est directeur national de la PARSEM. Plus de 22 milliards et 600 millions de francs burundais. Voilà le budget qui est nécessaire et à mobiliser pour que la stratégie nationale de prévention du phénomène des enfants en situation de rue et des adultes mendiants, ainsi que leur réintégration familiale et communautaire durable soit mise en œuvre. Pour plus de 7000 enfants se trouvent en situation de rue, dont 90% qui sont des garçons et 10% des filles. Ce sont les données estimatoires de l'année précédente 2021 du ministère de la Solidarité nationale dans la table ronde de ce jeudi avec ses partenaires. Le ministère en charge de la solidarité interpelle ses partenaires de conjuguer les efforts pour arriver à cet objectif fixé. Après une courte pause, parlons droits de la femme. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'essentiel qui passe en direct sur les ondes de la radio Isanganiro via le www.isanganiro.org. Femme, comme je vous le disais, la protection de l'environnement est le rôle de tout un chacun, y compris les femmes, car elles sont vulnérables par rapport aux autres suite aux conséquences liées au changement climatique. C'est le point de vue de la slameuse environnementaliste Greta Carli Ineza, qui indique que l'incompréhension sur l'intérêt de la protection de l'environnement est le défi déjà constaté. Elle trouve que la sensibilisation serait plus efficace une fois dispensée dans les cours de l'école primaire. Suivez-le. Elle s'entretient avec Cornelia Mucho. Je viens d'une province qui s'appelle Kirundo. Tout le monde connaît que Kirundo a toujours longtemps été le grenier du pays. Mais malheureusement, un certain jour, on s'est réveillé et à cause du changement climatique, il y avait eu la sécheresse et on ne pouvait plus cultiver. La population a commencé à mourir de faim et d'autres conséquences s'en sont suivies. Est-ce qu'il y a-t-il une plus-value grâce à vos sensibilisations à travers l'islam? Il y a l'entourage, premièrement. Là, je veux dire les voisins, les amis, et aussi peu de connaissances. Ils commencent à prendre conscience qu'il y a urgence à cause du dérèglement climatique, qu'il faut protéger l'environnement à tout prix. Est-ce que dans votre métier, y a-t-il des choses qui vous bloquent pour justement sensibiliser efficacement sur la protection de l'environnement? Je dirais qu'il y a des choses qui me bloquent, notamment l'incompréhension dans mon entourage et aussi le manque d'éducation parce qu'on ne nous a pas inculqué cet amour de la nature dès le plus jeune âge. Parce que je me dis que c'est facile de faire comprendre une chose à un enfant qu'à un adulte. Alors, pour une sensibilisation efficace, qu'est-ce que vous proposez? Je demande à mes amis qui sont dans des associations ou des particuliers qui luttent pour la cause environnementale de continuer dans son sens. Parce que un jour, on verra des résultats. Il ne faut pas lâcher, continuer le combat. Et je demanderai aussi aux institutions qui sont chargées de l'éducation d'ajouter dans les programmes scolaires des cours de sensibilisation pour les enfants, pour qu'ils comprennent qu'il faut à tout prix protéger l'environnement. Nous approchons la semaine dédiée à la femme. Et le thème de cette année, c'est sur la femme et l'environnement. Y a-t-il un message spécial aux femmes ou aux filles? Je les encouragerai à protéger l'environnement, à prendre soin de leur terre, à prendre soin de leur pays. Parce que la femme, elle est beaucoup plus concernée. Rien ne fait plus mal que de voir une femme qui n'a pas de quoi nourrir son foyer, ses enfants. Donc, et une des conséquences du changement climatique, c'est la sécheresse, les pluies torrentielles et autres. Greta Carli, Inès Akislam pour l'environnement. Et les femmes et filles devraient s'atteler à tout travail de développement démantelant ainsi les anciennes croyances selon lesquelles il y a des activités réservées uniquement aux hommes. C'est l'appel d'Anastasie Havialimana Masson au centre urbain de Kayanza. C'est Lénine Daïsava, coordinatrice au centre pour le développement familial et communautaire à Kayanza. Indique qu'exercer différentes activités génératrices de revenus pour les femmes et filles réduirait les violences auxquelles elles font face dans les ménages et dans la société. Économie à présent, ouverture solennelle de la Banque d'investissement et de développement pour les femmes par le président de la République Evariste Ndayishimiye à Gitega ce jeudi. L'administrateur directeur général de cette institution financière a fait savoir que la banque vient pour appuyer les initiatives des femmes et dans l'investissement avec un intérêt bas. Marie-Salomé Ndawahalie a indiqué que les femmes regroupées en coopérative seront privilégiés pour recevoir des crédits sans garantie. Le président Evariste Ndayishimiye, quant à lui, a indiqué que cette banque a été créée dans l'objectif d'atteindre l'égalité de l'homme et la femme sur le plan financier. Fidèle d'Antoine Estabimana a suivi cette activité. Selon Marie-Salomé Ndawahalie, l'administratrice, directrice générale de la Banque de développement et d'investissement pour les femmes, l'objectif global de cette banque est de soutenir les projets d'investissement pour les femmes. Selon Ndawahalie, les femmes qui se regrouperont dans des associations et coopératives de développement seront plus privilégiées, surtout que ces groupements n'auront pas besoin de présenter des garanties. Elle ajoute également que la banque a des experts en création, gestion et suivi de projets de développement qui aideront les femmes à créer des projets bancables. Pour le président de la République burundaise Evariste Ndayishimiye, l'objectif de création de cette banque est de faciliter la femme à atteindre l'égalité entre l'homme et la femme en matière de l'autonomie financière. En outre, le président Ndayishimiye a dit que cette banque devra faciliter surtout les jeunes filles et les jeunes femmes qui ont manqué des capitaux à pouvoir être autonomes à l'obtention de crédits avec un taux d'intérêt relativement bas. La banque de développement et d'investissement pour les femmes démarre avec un capital global de 10 milliards. 15% de son capital appartient à l'État, alors que 85% de son capital est venu des communes. Fidèle d'Antoine Sabimana, et le décret, avant de passer en page éducation, l'Office burundais des recettes Aubert appelle les administratifs à sensibiliser leurs rangs administrés au paiement de l'impôt locatif dans les délais. Cet appel est lancé aux administratifs de la mairie de Bujumbura et ceux de la commune de Mutimbuzi de la province de Bujumbura dans un atelier organisé à leur intention. Fiacre Mohimundu, chargé de la communication à l'Aubert, a profité de l'occasion pour rappeler aux contribuables que la collecte de l'impôt locatif pour l'exercice 2021 prend fin le 31 mars en cours. Éducation à présent, le décret du 23 février de cette année institue le cadre national de qualification et de certification. Ce cadre permet donc d'assurer la comparabilité, la reconnaissance des qualifications et certifications pour tous les niveaux et paliers de formation du système éducatif, comme c'est écrit en son article 2. Ce décret présidentiel décrit l'échelle de qualification et de certification de l'enseignement fondamental. La lecture de ce texte avec Vestine Boutoui. Ce décret portant institution du cadre national de qualification et de certification définit en son article 7 les objectifs de ce cadre, entre autres, amélioration de l'image et l'attractivité du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et aux métiers, promouvoir la reconnaissance des compétences acquises à travers la formation non formelle et formelle, promouvoir la formation tout au long de la vie, promouvoir la mobilité nationale, régionale et internationale des apprenants et des travailleurs. Dans sa section relative à l'échelle de qualification et de certification de l'enseignement fondamental, son article 12 montre que l'enseignement préscolaire constitue le palier zéro qui s'étend sur 3 ans et sanctionné par une fiche d'appréciation de la 3e année du préscolaire. Quant à l'article 13, le premier cycle de l'enseignement fondamental de la première à la deuxième année constitue le palier 1 qui est sanctionné par un bulletin scolaire de la deuxième année. L'article 14 de ce décret précise que le deuxième cycle de l'enseignement fondamental de la troisième à la quatrième année constitue le palier 2 qui est sanctionné par un bulletin scolaire de la quatrième année. Et son article 15 évoque que le troisième cycle de l'enseignement fondamental, c'est-à-dire de la cinquième à la sixième année, constitue le palier 3 qui est sanctionné par un bulletin scolaire de la sixième année. L'article 16, quant à lui, montre que le quatrième cycle de l'enseignement fondamental, c'est-à-dire de la septième à la neuvième année, constitue le palier 4 qui est sanctionné par un certificat de fin d'études fondamentales et après la réussite au concours de certification et d'orientation par un certificat d'admission à l'enseignement post-fondamental. Dans nos éditions ultérieures, on vous parlera de l'échelle de qualification et de certification de l'enseignement post-fondamental. Vestine Boutoy, à qui nous disons merci. Les femmes et filles devraient s'atteler à tout travail de développement des mentors ainsi. Les anciennes croyances selon lesquelles il y a des activités réservées uniquement aux hommes, c'est l'appel d'Anastasie Javierimana, maçonne au centre urbain de Kayanza. C'est Leninda Isawa, coordinatrice au centre pour le développement familial et communautaire à Kayanza, indique qu'exercer différentes activités génératrices de revenus pour les femmes et filles réduirait les violences auxquelles elles font face dans les ménages et dans la société. La correspondance de Patrick Senguiyumva. Anastasia Vialimana, cette maçonne au centre urbain de Kayanza, dit qu'il y a 2 ans qu'elle exerce cette activité, et cela après avoir appris à construire à l'école technique de Rukago en commune Gaombo. Anastasia Vialimana appelle d'autres femmes et filles à cesser avec les anciennes croyances selon lesquelles certaines activités génératrices de revenus sont propres aux hommes et non aux femmes. Cette maçonne à Kayanza précise que son métier de maçonnerie l'aide à subvenir à certains des besoins fondamentaux de tous les jours et appelle d'autres femmes et filles à s'atteler massivement à différents travaux d'autodéveloppement. Au début, j'étais déconsidéré par des employés et certains des maçons comme quoi au chantier je serais in auto-travail. Mais aujourd'hui, je tiens à remercier certains des maçons qui m'ont aidé à améliorer mes prestations, témoigne Anastasia Vialimana. Certains des maçons qui construisent au même chantier qu'Anastasia Vialimana avec lesquels nous sommes entretenus affirment le courage et la façon de bien faire chez cette maçonne. Les mêmes maçons appellent d'autres femmes et filles de la prendre pour modèle. Même son de cloche chez Seleninda Isawa, coordinatrice au Centre de Développement Familial et Communautaire à Kayanza. Selon cette coordinatrice au CDFC Kayanza, si toutes les femmes et filles cherchent à exercer différentes activités génératrices de revenus, cela réduira sans doute les violences de différentes natures qu'elles subissent, car, explique-t-elle, une femme qui produit est considérée par son mari aussi bien que dans la société. Venus Tendouimana, conseiller du gouverneur à Kayanza chargé de développement, encourage les femmes dans leurs travaux de développement et les appelle à travailler ensemble étant regroupés dans des associations et coopératives de développement. Depuis Kayanza, Patrick Senguyumba pour la radio Sanganilo. Merci Patrick Senguyumba du nord au sud du Burundi pour parler de ces gens en conflit à milieu de travail qui ne devraient pas saisir directement les instances judiciaires sans passer par les organes du dialogue social. Le conseil technique au comité national de dialogue social CNDS interpelle les employés et employeurs en conflit dans le monde du travail à privilégier la voie du dialogue social, et c'était dans un intérêt de renforcement des capacités sur les mécanismes de prévention et de résolution pacifique des conflits sociaux de travail organisés ce mercredi à l'endroit des membres des comités provinciaux de dialogue social à Makamba. Élisée Kwizera. Comme l'explique le Conseil technique au Comité national de dialogue social CNDS, par Fenghira Bagenzi, dans un atelier organisé à l'endroit des comités provinciaux de dialogue social CPDS ce mercredi, le processus de travail peut durer longtemps dans les instances juridiques et occasionner des dépenses énormes en rapport avec les déplacements et autres besoins jugés importants pour suivre de près leurs procès. Lorsque les parties en conflit à milieu du travail, je veux dire les employés et les employeurs préfèrent saisir directement les instances juridiques sans passer par les instances de dialogue. Les conséquences, c'est que d'abord, les procès juridiques de travail, souvent ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut exiger beaucoup de moyens financiers aux parties en conflit, mais également ça peut dégrader régulièrement les relations professionnelles qui existent entre les employés et les employeurs. En outre, Les procès dans les tribunaux peuvent dégrader régulièrement les relations professionnelles entre les gens en conflit, en milieu du travail. Lorsque la justice fait son travail et en tranchant sur un conflit, cela ne rassure pas que quand le travailleur rentre sur son poste, ça veut dire que les bonnes relations seront rétablies. Par contre, avec le dialogue social, lorsque les deux parties arrivent à un consensus, ça peut être rassurant que aussi les bonnes relations sont aussi établies. Le même conseiller interpelle les employés et les employeurs à privilégier la voie du dialogue social. Quant au code du travail, il lance un appel vibrant à tout un chacun de fournir plus d'efforts pour en être au courant et d'en faciliter sa sensibilisation aux autres. Élisée Kwizera depuis Makamba pour la radio Isanganiro. Un point final à cette édition de la mi-journée. Très bon après-midi à tous. Au revoir.